À la réussite du 15e Festival international de cinéma de Pyongyang, le cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée a offert le 23 au Palais de la culture du peuple à Pyongyang un banquet en l'honneur des festivaliers. Y ont été invités les délégations, délégués et membres de jury qui ont participé au festival. Y ont pris part les officiels intéressés.